Lettre 64e. Marcius Alpinus à Lucius Scribonianus. Nicée, janvier 303. La monotonie qui m'entourait a cessé, et l'activité recommence à ranimer mon existence. La cupidité, la haine, les préjugés sont en fermentation, et les combats vont recommencer sur le grand théâtre du monde. Les forces endormies se réveillent, elles vont déployer leur puissance, et bientôt, Scribonianus, je serai à la place que la nature et les circonstances m'ont destinée. Le feu qui couvait sous la cendre lance des flammes, et la guerre est déclarée au christianisme. Galerius est parvenu à ébranler la bonté du vieux Dioclétien. Il l'a engagé à renoncer à ses principes de tolérance, qui paraissaient bien affermis. On a publié dans tous les lieux où il se trouve des chrétiens un ordre de fermer leurs temples, de cesser les cérémonies, d'interrompre tous leurs exercices religieux, et de punir de mort toute tentative de faire des prosélytes. C'est ainsi que, pour le moment, la balance penche en faveur des dieux de l'Olympe. Pour combien de temps? La suite le prouvera. En attendant, mes amis n'ont pas été moins actifs. Ils m'ont rappelé à propos au souvenir de Galerius, et j'attends toujours l'ordre de revenir auprès de lui. Je tirerai parti et de ma disgrâce et de mon retour. Et sans perdre de vue l'avenir, je jouirai du présent. Sans doute il conviendrait à mes projets d'écarter Constantin, mais c'est un astre trop brillant pour qu'il soit aisé de l'éclipser ouvertement. Il faut employer la ruse. Je lui ai fait offrir de travailler pour lui. De cette manière, à l'abri de ses soupçons, je travaillerai plus sûrement pour moi-même. Je crains fort cependant que l'idée d'anéantir ou de comprimer seulement le christianisme ne soit qu'une chimère. Mais que m'importe, pourvu que je parvienne à mon but. Tant qu'on voit une apparence de bonheur et de succès, il faut le poursuivre, mais avec prudence et finesse, et de manière à pouvoir, suivant l'événement, se jeter dans le parti victorieux. L'homme sensé ne se prononce jamais positivement. Il n'y a que les fous et les fanatiques qui se jettent tête perdue dans un parti. Mais silence à présent sur ce qui regarde les affaires publiques. Bientôt d'autres personnes que moi-même te parleront de ton ami. Une autre affaire m'occupe avec moins d'apparence de succès, mais je n'en suis que plus piqué au jeu. Ma pieuse Théophanie a, comme toutes les dévotes, un esprit très opiniâtre et un cœur rétréci. Il en résulte des difficultés à mes désirs qui ne font que les enflammer davantage. Il faut qu'elle soit à moi d'une manière ou d'une autre, de gré ou de force. Ce n'est pas que je sois très épris, ce n'est pas ma coutume de me laisser séduire par l'amour, et jamais aucune femme n'a pris d'empire sur ma raison. Mais cette Larissa ou Théophanie a quelque chose de tout nouveau, et ce qui n'est pas commun a toujours eu de l'attrait pour moi. Je connais à fond les femmes ordinaires, et leur légèreté, et leurs caprices, et leur emportement, et leurs petites ruses. Plus rien de leur part ne peut me surprendre, ni tenir mon imagination en suspens. Dès les premiers mots qu'elles prononcent, je vois leur but, et mon plus grand plaisir est de les déjouer. Mais Théophanie m'ouvre une nouvelle existence et des sensations inconnues, et pour la première fois, j'éprouve une sorte d'exaltation sentimentale, quelque chose qui me force à un respect involontaire, et je veux triompher de cette impression singulière. J'ai déjà ébauché plusieurs plans. Dans peu de temps, tu en apprendras, j'espère, l'heureux résultat. Il faut que je me presse d'arriver au but avant que ma future destinée me sépare d'elle. Adieu, Scribonianus.